numéro de site 8-9, état normal, entrée, analogique, 3, alarme, majeure, entrée, analogique, 3, alarme, majeure, système général, veuillez, entrée, commande ASA, fin de communication.